Esther chapitre 9. Le 12e mois donc, qui est le mois d'Adar, le 13e jour de ce mois, auquel la parole du roi et son ordonnance devaient être exécutées, au jour que les ennemis des Juifs espéraient en être les maîtres, au lieu que le contraire devait arriver, savoir, que les Juifs seraient maîtres de ceux qui les haïssaient. Les Juifs s'assemblèrent dans leur ville, par toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, mais nul ne put tenir ferme devant eux, parce que la frayeur qu'on avait d'eux avait saisi tous les peuples, et tous les principaux des provinces, et les satrapes, et les gouverneurs, et ceux qui maniaient les affaires du roi, soutenaient les Juifs, parce que la frayeur qu'on avait de Mardochée les avait saisis. Car Mardochée était grand dans la maison du roi, et sa réputation allait par toutes les provinces, parce que cet homme Mardochée allait en croissant. Les Juifs donc frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, et en firent un grand carnage, de sorte qu'ils traitèrent selon leur désir ceux qui les haïssaient. Et même dans Susan, la ville capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Ils tuèrent aussi par Sandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisaï, Aridaï et Vajezata. 10 fils d'Amon, fils d'Amidata, l'oppresseur des Juifs, mais ils ne mirent point leurs mains au pillage. Et ce jour-là on rapporta au roi, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Susan, la ville capitale. Et le roi dit à la reine Esther, dans Susan, la ville capitale, les Juifs ont tué et détruit 500 hommes, et les 10 fils d'Amon, qu'auront-ils fait au reste des provinces du roi? Toutefois quelle est ta demande, et elle te sera octroyée. Et quelle est encore ta prière, et cela sera fait. Et Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis encore demain aux Juifs qui sont à Susan, de faire selon ce qu'il avait été ordonné de faire aujourd'hui, et qu'on pende Jézabel et 10 fils d'Amon. Et le roi commanda que cela fût ainsi fait, de sorte que l'ordonnance fut publiée dans Susan, et on pendit les 10 fils d'Amon. Les Juifs donc qui étaient dans Susan, s'assemblèrent encore le 14e jour du mois d'Adar, et tuèrent dans Susan 300 hommes, mais ils ne mirent point leurs mains au pillage. Et le reste des Juifs qui étaient dans les provinces du roi, s'assemblèrent, et se mirent en défense pour leur vie, et ils eurent du repos de leurs ennemis, et tuèrent 75 000 hommes de ceux qui les haïssaient, mais ils ne mirent point leurs mains au pillage. Cela se fit le 13e jour du mois d'Adar, mais le 14e du même mois ils se reposèrent, et ils le célébrèrent comme un jour de festin et de joie. Et les Juifs qui étaient dans Susan, s'assemblèrent le 13e et le 14e jour du même mois, mais ils se reposèrent le 15e, et le célébrèrent comme un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs des bourgs, qui habitent dans des villes non murées, emploient le 14e jour du mois d'Adar, en réjouissance, en festin, en jour de fête, et à envoyer des présents l'un à l'autre. Car Mardochée écrivit ces choses, et en envoya les lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, tant près que loin, leur ordonnant qu'ils célébrassent le 14e jour du mois d'Adar, et le 15e jour du même mois chaque année, selon les jours auxquels les Juifs avaient eu du repos de leurs ennemis, et selon le mois où leur angoisse fut changée en joie, et leur deuil en jour de fête, afin qu'ils les célébrassent comme des jours de festin et de joie, et en envoyant des présents l'un à l'autre, et des dons aux pauvres. Et chacun des Juifs se soumit à faire ce qu'on avait commencé, et ce que Mardochée leur avait écrit. Parce qu'Aman, fils d'Amidata, Agagien, l'oppresseur de tous les Juifs, avait machiné contre les Juifs de les détruire, et qu'il avait jeté pur, c'est-à-dire, le sort, pour les défaire, et pour les détruire. Mais quand Esther fut venue devant le roi, il commanda par lettre que la méchante machination qu'Aman avait faite contre les Juifs, retombât sur sa tête, et qu'on le pendît, lui et ses fils, au gibet. C'est pourquoi on appelle ces jours-là Purim, du nom de Pur. Et suivant toutes les paroles de cette dépêche, et selon ce qu'ils avaient vu sur cela, et ce qui leur était arrivé, les Juifs établirent et se soumirent, eux et leur postérité, et tous ceux qui se joindraient à eux, à ne manquer point de célébrer, selon ce qui en avait été écrit, ces deux jours, dans leur saison, chaque année. Et ils ordonnèrent que la mémoire de ces jours, serait célébrée et solennisée dans chaque âge, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et qu'on n'abolirait point ces jours de Purim entre les Juifs, et que la mémoire de ces jours-là, ne s'effacerait point en leur postérité. La reine Esther aussi, fille d'Abihaïl, avec Mardoché, juif, écrivit tout ce qui était requis pour autoriser cette patente de Purim, pour la seconde fois. Et on envoya des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du royaume d'Assuéru, avec des paroles de paix et de vérité, pour établir ces jours de Purim dans leur saison, comme Mardoché, juif, et la reine Esther, l'avaient établi, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, pour être des monuments de leur jeûne, et de leur cri. Ainsi l'édit d'Esté autorisa cet arrêt-là de Purim, comme il est écrit dans ce livre.